Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, fidèle au poste comme chaque lundi. Et oui, j'ai dû abréger mon séjour au CES, le salon Nouvelles Technologies de Los Angeles, où je présentais le blog de l'Asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr ou le mixcloud.com/redman. Et je vous propose de démarrer l'émission de cette semaine avec le projet du commandante en chef Seb Elzin, de l'anarchiste Republic of Buzz, multi-instrumentiste, membre du combo ethno-psyché punk Itak. Seb Elzin fait partie de ce vaisseau amiral aux côtés de pas mal d'autres corélégionnaires pour cette république anarchiste du Buzz qui réunit depuis le début des années 2000 Arthur Lindsay, Mark Ribot, le rappeur proche du jazz free Mike Ladd et pas mal d'autres. Ils avaient sorti un premier opus chez Sub Rosa il y a de ça 5 ans, qui était déjà plutôt pas mal. Et le second, qui vient tout juste de paraître, qui s'intitule United Dictatures of Europe, est vraiment fantabulesque, une vraie tuerie. Il réunit, outre les Arthur Lindsay et Mike Ladd susmentionnés, Lukex, Archichep, Eric M, aux tables tournantes, également Onu, Secu, O Derbuka et autres Bendir, Timba Harris de Secret Chiefs 3 est au crin-crin, et aussi Kiki Picasso du groupe d'action artistique Bazooka qui officie au visuel. On les voit d'ailleurs sur le site du combo anarchiste Republic of Buzz. Et je vais arrêter les énumérations, juste rajouter donc que c'est un album qui déchire pour cette rentrée 2017. Et je pèse mes mots, on va en écouter deux titres à suivre et puis on démarre par le Third Extremist, extrait de ce United Dictatures of Europe par Anarchist Republic of Buzz. to me about extremes. Islamists on one side and then talk about the fascist here and everybody pushing inside, man. Get me up, sandwich up, trying to make me like I'm giving a fuck. But there's one extreme I know don't fuck up. There's one extreme I know don't fuck up. That's the 1%. Think of me and my precedents. Trying to take my soul and squash it. Got people fighting each other. Brother against brother, one another. Religion against religion, cold incisions. Cut you up and spill out your guts just to watch them. Spectacular. All the spectacles you see were spectacles. And you just a spectator them. Never gonna make nothing relevant because you never making no money, man. The third extremists be the illest extremists. They be the 1%, yeah, with all the riches. The third extremists be the illest extremists. They be the 1%, man, with all the riches. How they flipping cats on welfare, praying to a God that never did care. Everybody wonder where the hell they're gonna go next from the fact check. Got you cut up like a bed of bloody rice checks. Yeah, I said it before, but now I'm saying it about some shit that got no pause, got no place to breathe. It's only the poor, got no place to see, so they see some more. The third extremist, third extremist, be the illest extremist, the illest extremist. They be the 1%, yeah, those 1% with all the riches. The third extremist, third extremist, be the illest extremist, of course, the illest. They be the 1%, man, yeah. Try to take them out, but they all disappear. Bodies, Shango, shot, attack. Who's that? Who's really truly got my back? And who's that? Who abused that? Stay flat, and really you can stay back. If you're really black, if you're dark skinned, departing. If you's a woman when they get in, when they shoot them up with the marksman. The third extremist, the third extremist, be the illest extremist, they the illest extremist. They be the 1%, yeah, those 1% with all the riches. The third extremist, the third extremist, be the illest extremist, awesome. They be the 1%, man, yeah, with all the riches. Why the fuck you think the economy's dead? So they can run around and buy all your shit. Why the fuck you think the economy's dead? So they can run around and take all your shit. Third extreme. Jello pudding pop, not stop. Jello pudding pop, not stop. Jello pudding pops, not stop. Jello pudding pop, not stop. Jello pudding pop, not stop. Jello pudding pops, not stop. Shake, shake, gonna break this break hard like you. Throat was coming at me like they had the holy smoke deep inside their body. I seen that shit like the Mad Hatter. Was at the time I was getting fat on the tree. Alice is running the fuck away from me, but I still got the ride at home. Scale, try to prevail. I'm like a rebel. Tell them I'm an extra male, not a devil. I'm an ex No distortion, don't ask me why. Again, asked by 85, trying to get my pen. I'm not who you try to do me, who knew me. He's unruly, call me Tahuti, or Thar, or Hermie. Where I'm headed, je vais worry. Where I'm headed, je vais worry. Dia serveur, je me noterai. Dia serveur, je me noterai. Jello, pudding, pop, not stop. Jello, pudding, pop, not stop. Jello, pudding, pops, not stop. Jello, pudding, pop, not stop. Jello, pudding, pop, not stop. Jello, pudding, pops, not stop. Jello, pudding, pops. Welcome to Candyland. It's all real. What you saw, it's all on film, now it's on video. The camera caught only what was in front of it. In my editing room, I put it all together, and then it's all real. Everything is real. The light is real, the screen is real. What's on the screen is real, and the rest is you, and your total memory of what you are and how you react and how you see it. It's all real. Vous ne rêvez pas, on est bien en 2017. On a démarré la sélection de l'asile de cette semaine, la casquette à l'envers, avec l'anarchiste Republic of Bzz, avec 3 Z, et cet excellent disque publié en fin 2016 sous le titre United Dictatures of Europe. Le projet donc de Seb Elzin, membre éminent notamment du combo Itak, qu'on avait pu voir à Rennes quelques reprises d'ailleurs. ces dernières années et depuis un petit moment au sein de cette république anarchiste qui fait un peu penser une sorte de croisement entre les Last Poets et Gangstar, tout ça mouliné à travers pas mal d'éructations un peu du côté du free rock et des musiques impro XP avec pas mal de gens embarqués dans cette aventure et notamment sur ce dernier disque. Il y a une douzaine ou une quinzaine de participants, je ne vous les ai pas tous faits, puis pas mal d'un petit côté aussi musique arabe, ça navigue dans pas mal d'univers. C'est un disque vraiment très très réussi qu'ils ont publié sur leur propre label d'ailleurs, Bzz Records, en coproduction avec Atypic Music. Ça doit se trouver à peu près partout si vous vous donnez le temps de chercher. Et on a enchaîné avec un combo pop britannique, une fois n'est pas coutume, qui répond au doux nom de Ravioli Me Away, avec un deuxième album sous le titre Living is a Myth, publié par l'excellente marque Upset The Rhythm, qu'on vous a déjà proposé à quelques reprises dans cette même émission. Donc deuxième album pour ce combo de Riot Girls, ça s'entendait après un The Inevitable album qui était sorti en 2014 et qu'on avait tout bonnement complètement raté. Un côté post-punk et un peu synth-pop avec une propension à chanter faux et à contre-temps qui n'est pas pour nous déplaire. Combo britannique donc, comme je vous disais, avec les tenues extravagantes qui vont avec et des vidéos bien foireuses d'ailleurs aussi à regarder sur internet. Voilà le projet donc Ravioli Me Away. On va continuer avec une formation cette fois-ci d'outre-Atlantique. Le premier disque pour un groupe mené par un certain nombre d'anciens de Sleeping Time, Gorilla Museum, le combo Prog XP qui sévissait entre les années 90 et le milieu des années 2000, notamment David Shamrock, Michael Melander et Drew Wheeler, qui forment aux côtés de quelques autres le Free Salamander Exhibit, qui a été créé il y a de ça 2-3 ans et qui pratique une sorte de croisement entre une musique un peu prog à la Singing Plague, il y a un côté aussi un peu King Crimson, un zeste de métal à la Meshuga et autres Mayhem, notamment dans le chant, et bien évidemment un soupçon de Secret Shift 3. Et donc ça, c'est tout bonnement naturel que le label des Secret Shift 3, Web of Mimicry, publie ce premier disque donc des Free Salamander Exhibit. L'album s'intitule Undestroy. Je propose le titre que je préfère presque, c'est celui où il y a un petit peu moins les vocaux métal qui m'escagassent un petit peu les esgourdes, pour tout vous dire. Voilà, donc on écoute un extrait de cet album des Free Salamander Exhibit. Faster, live faster, but I didn't live today. He dropped my dime and he told me to take a nap. I went to the slime rigger. When I come out, I always feel like crap. I went to the time crafter and bought some time to enjoy the finer things of life. I don't know what I'm after. I only know I'm gonna get all I can. Oh, Vous êtes bien à bord de l'Asile le plus sûr avec cette séquence qui a démarré avec le combo un peu post-zapien, on pourrait dire, Free Salamander Exhibit et ce disque Undestroyed publié par les bons soins du Web of Mimicry. C'est sorti au mois de décembre. Cet album qui réunit pas mal de membres d'anciens de Sleepy Time, Gorilla Museum, combo qui avait publié pas mal de disques dans les années 90-2000 du côté d'un nouveau prog assez racé et assez innovant. Là, c'est assez prometteur, mais c'est encore un peu balbutiant la musique qu'ils pratiquent les anciens de Sleepy Time Gorilla Museum. Ça flirte pas mal aussi avec le métal, entre le métal et le prog sur un certain nombre de titres. L'album est plutôt pas mal. Et on a enchaîné avec une sorte de version de Alan Vega au Sahara, et c'était la rencontre entre le groupe Doué et Cheveux, avec un disque qui sort ces jours-ci sur étiquette Born Bad sous le titre Dakla Sahara Session. Alors c'est la rencontre entre la formation Groupe Doué, groupe assez légendaire, notamment depuis leur premier disque qu'ils avaient sorti pour l'étiquette Sublime Frequencies. C'était il y a de ça une petite demi-douzaine d'années, je pense, pour ces Marocains qui sont devenus une sorte de coqueluche de la bande-son du Sahara, avec un son très très électrique, des chants assez hypnotiques et des percussions très très en avant. Et puis ils avaient aussi pas mal séduit Tony Allen, le batteur de l'Afrobeat. Et là, il rencontre le groupe électro free rock Cheveux, bien connu pour un certain nombre de disques, notamment aux éditions Born Bad Records. Le Cheveux qui est allé jouer donc du côté du Sahara, c'était il y a de ça un an et demi, deux ans. La rencontre s'est passée dans leur pays avec pas mal de concert à la clé. Depuis, ils ont joué aussi beaucoup en Europe. D'ailleurs, je crois qu'ils repartent en tournée au printemps, début mars. Donc, ça passera peut-être par le Grand Ouest de la France, qui sait. Et un disque plutôt pas mal, hein, dans la rencontre entre ces différents musiciens. Ça fait une sorte de super groupe pour une musique un peu rétro-futuriste et assez remuante, donc une musique plutôt très très aboutie et très enjouée pour ce Dakla Sahara Session par le groupe Doué en compagnie de Cheveux. Vous devriez réentendre parler sur les ondes dans les prochaines semaines. Je propose de continuer avec un trio, cette fois-ci totalement dans l'expérimentation sonore et l'électrification la plus expérimentale, qui réunit les deux Belges Joseph Dumoulin et Ton Verbruggen, aux côtés du guitariste émérite de feu Fushisucha Keiji Eino. La rencontre s'intitule The Miracles of Only One Thing. Ça va paraître d'ici une dizaine de jours sur étiquette belge Sub Rosa. Et bon, on retrouve assez régulièrement ces deux musiciens, le batteur Joseph Dumoulin et le claviériste Ton Verbruggen, sur pas mal de projets ces derniers temps. On vous avait passé notamment l'excellent Warp Dreamer, c'était au mois de décembre, qui réunissait un peu tout ce petit monde aux côtés de musiciens norvégiens. Donc ce sont des gens qui voyagent pas mal, et notamment au Japon. Le disque est une série de titres qui ont été enregistrés in situ lors d'une tournée de ces dernières années, et ce sont des pièces évidemment très très longues, ces improvisations en concert. Et je propose d'écouter un bout de la première pièce de ce disque, The Miracles of Only One Thing, par Joseph Dumoulin, Ton Verbruggen et Keiji Eino. Je pense qu'on s'est aimé pendant cette séquence fleuve. En tout cas, ces trois-là, c'est sûr, lors de ce concert assez intensif de septembre 2015, enregistré au Japon entre Keiji Eno et Joseph Dumoulin au Fender Rhodes et électronique, et Ton Verbruggen à la batterie et électronique. Je vous l'ai fait à l'envers tout à l'heure, je vous ai inversé leur lutherie, comme quoi faut pas croire toujours ce que dit l'asile le plus sûr. En tout cas, un très beau disque, celui qui va sortir dans les jours prochains sur étiquette Sub Rosa, sous le titre The Miracles of Only One Thing. Voilà, et donc on entendait la première pièce, ou tout au moins en partie, des très longs morceaux jusqu'à 25-30 minutes pour cet album du trio Keiji Eno, Joseph Dumoulin et Ton Verbruggen, le batteur belge du fameux Bureau of Atomic Tourism. On va enchaîner sans plus attendre avec le retour, mais on l'avait pas vraiment quitter celui-là de monsieur Yair Elazar Glotman plus exactement, qui fait aussi pas mal de choses ces dernières années sous le nom de Ketev. Voilà, c'est surtout sous son alias Ketev qu'on le rencontre 3-4 fois par an pour des productions de musique électronique vraiment très très fine. Et hier, Elazar Glotman est aussi contrebassiste. Il s'est fendu d'un disque en solo de contrebasse processée qui a été vraiment assez magique. C'était à la fin 2015, je crois, ou fin 2014, sur étiquette Subtext Records, le label de James Ginsberg. Il vient de se fendre d'un tout nouvel opus, cette fois sous un nouveau nom. Ça s'appelle Blessed Initiative, et donc le disque est éponyme, comme de juste. Et on retrouve le musicien basé à Berlin dans une séquence assez inhabituelle, plutôt une sorte de collage sonore de sons un peu abstraits, de musique glitchée, mais de manière assez nouvelle. Ça fait un peu penser à du post-AGF sans les voix. On écoute le titre qui démarre cet album Blessed Initiative, le titre Ville Value. Thank you. toujours dans l'asile, le plus sur antenne du 94 MHz avec cette triplette de titres enchaînés qui a démarré avec ce tout nouveau projet qu'a initié hier Elazar Glott Man sous le nom de Blessed Initiative. C'est un disque éponyme qui vient de paraître sur Subtext cet automne et qui est vraiment très bon. Alors beaucoup plus charpenté que ce que je vous disais, finalement pas si abstrait, glitché. Bon, je pense qu'il utilise la matérialité des cordes et de sa contrebasse de manière là encore un peu processée et un peu retraitée par l'électronique. Le disque est comme ça de bout en bout, très très énigmatique et un peu à l'image des productions de monsieur Glottman, notamment ses autres projets, toujours des disques très intéressants à écouter. Et on a enchaîné avec le Lord Tang lui-même, Lord Tang qui est le propre projet de Dominique Cramp, qui est un claviériste électro-acousticien, également arrangeur qu'on connaît pour l'avoir entendu au sein du combo de Carla Bozulic Evangelista. Et au sein de ce Lord Tang, il produit une musique assez atypique, avec un côté un peu exotica mélangé avec des recherches sonores de timbres et puis pas mal d'électronique embarquée. L'album s'intitule Butterflies. Alors c'est son deuxième opus qui est sorti sous une étiquette belge qui s'appelle Kousma. C'est sorti à la rentrée dernière. Il avait déjà fendu d'un premier album que je n'avais pas du tout eu entre les mains sur sa propre marque Gigante Sound, le Lord Tang. Musique assez décalée, assez hilarante aussi par certains côtés, que ce Butterflies donc par Mr. Lord Tang. Et on a terminé avec un opus de Robin Crutchfield, le trop rare ex-membre du combo DNA aux côtés de Arto Lindsay et de Ikue Mori. Il avait quitté ce groupe pour former Dark Day, excellent projet de musique électronique un peu proto Cold Wave mais à l'américaine new-yorkaise à la fin des années 70, début des années 80. Puis il avait disparu tout bonnement de la circulation au milieu des années 80, aurait des années 90, et puis il s'est réincarné dans un genre de barde à la lyre et à la harpe pour produire une folk un peu ésotérique et très proche des musiques nouvelles comme celle qu'on entendait. Il a produit avec ce projet solo, enfin cette musique qu'il enregistre entièrement tout seul, une petite ribambelle de disques 5-6 au bas mot. Et celui-ci donc qui était sorti en 2015, qui est le dernier en date, publié sur son propre label je crois, Night Eve, s'intitulait Into the Dark Wood. Il y avait eu aussi un très beau disque qu'on vous avait proposé dans l'asile à la fin des années 2000, qui était sorti sur Important Records sous le titre The Hidden Folk, titre très approprié pour la musique qu'il produit, Robin Crutchfield. On va continuer avec des Italiens, un combo de jazz free de la grande époque du milieu des années 60. 10, un collectif dont j'ignorais l'existence jusqu'à cette réédition récente de l'excellent label italien Black Sweat Records. Ce projet s'intitule le Gaetano Liguori Collective Orchestra. Rien que ça, donc le projet, le grand orchestre mené par le pianiste claviériste Gaetano Liguori, toujours en activité, sort assez régulièrement des disques, notamment sur Léo Records je pense, et puis pas mal d'autres choses. Donc c'était un groupe qui se voulait un peu le pendant du jazz free italien qui était surtout phagocyté par Giorgio Gaslini ou encore Mario Ciano à Rome, voilà, donc pour les scènes milanaises et romaines du jazz free des années 70. Et ce collectif de Gaetano Gaetano Liguori se voulait donc une sorte d'alternative free et pas mal à l'écoute, je pense, de ce qui pouvait se passer aussi du côté des États-Unis ou de la France. Et puis on y retrouvait quantité de musiciens totalement inconnus au bataillon. Un bataillon, on pourrait dire d'ailleurs, de saxophonistes, flûtistes, trompettistes, trombonistes. Il y avait même du Fender basse, deux contrebassistes, deux batteurs. Donc vraiment le collectif Free dans toute sa quintessence. Deux titres pour cette production qui était sortie à l'époque sur étiquette PDU. Ça doit valoir un petit paquet de lire cet album historique d'il y a 40 ans. Deux pièces, donc la face B Nuova Resistenza, et je propose la collective Soot qui démarrait cet enregistrement du Gaetano Liguori collectif. Je crois qu'il y a aussi des versions en trio de ces projets dans les années 70. On écoute le Gaetano Liguori Collective Orchestra. Thank you. le grand orchestre du pianiste Gaetano Liguori, son collectif Orchestra, avec une musique enregistrée il y a de ça 40 ans, qui n'a pas pris une ride, qui vient tout juste d'être réédité par l'excellent label Black Sweat Records en vinyle. C'est sorti il y a de ça quelques semaines. Deux excellentes pièces de jazz free de la grande époque, voilà, dans un orchestre dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'à la réédition, pour tout vous dire. Donc des musiciens plutôt méconnus de la scène du jazz free italien de la fin des années 60 jusqu'aux années 70. Voilà, l'émission L'Asile le plus sûr touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous faire quelques petites annonces concerts, avec une soirée à ne pas manquer à la Maison de la Grève à Rennes cette semaine. Soirée vidéo, des vidéos de Myriam Cramp, une batterie qui sera magnifiée par les bons soins de Mathias Pontevia. Mathias Pontevia qu'on a pu entendre notamment au sein de Rien Virgule, de Ruland et puis de pas mal d'autres projets, notamment des projets d'impro fort intéressant. Voilà, un musicien du Sud-Ouest qui vit à Bordeaux, qui sera à la Maison de la Grève ce week-end pour répéter et improviser avec la vidéo de Myriam Cramp, qui seront également projetées dans cette soirée du samedi 14 janvier à la Maison de la Grève à Rennes, au 37 rue Le Graveran. Et figurez-vous que votre serviteur fera aussi partie de la fête avec des sélections de DJ Asile, voilà, qui ponctueront une partie de la soirée et nous mèneront sans doute jusqu'au bout de la nuit. Pour vous rappeler l'adresse, c'est au 37 de la rue Le Graveran, donc après le pont Le Graveran, en face du bar Le Delta, tout ça est en prix libre. Vous avez plus d'informations sur le site maisondelagreve.bourme.org. Et une soirée de jazz free à la fin du mois de janvier à ne pas manquer elle non plus, avec le grand retour du trio BGZ de Guillaume Bélanger au sax, Patrice Grant à la contrebasse et Étienne Zemiak à la batterie. Et ce sera aussi l'occasion de voir le duo de jazz free impro de Thomas Baudelin alias Tom Baudelin, qui sera donc en compagnie de son camarade Erwan Cornic à la batterie pour le projet Trombe. Et tout ça, donc, ce sera le samedi 28 janvier à Rennes, à la Maison de la Grève. Également Karl Marx qui sera présent à la Maison de la Grève à la fin du mois de janvier. On vous parlera de tout ça un peu plus tard dans l'asile. Il est temps de vous rappeler que l'émission est entièrement réécoutable, podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. On se quitte avec un dernier titre et des musiciens suisses qui répondent au nom de Manicari, avec un disque sous le titre de Ruins of Time, qui est la musique d'un film, d'un court-métrage gothico-expérimental de Mathieu Pettel, que je n'ai pas vu, et ça vient tout juste de paraître sous étiquette Swiss 3-4 Records pour ce projet qu'on avait déjà rencontré avec un disque précédent également sur ce même label, le projet des frères Charlot, Frédéric et Olivier. Voilà, je vous laisse avec cette musique et aussi les camarades de Zion Highway qui redémarrent l'année. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. On écoute Manicari pour terminer avec un extrait de ce disque Ruins of Time. À bientôt, bonne semaine. retrace my steps. I go backwards, stepping into my childhood, where imagination was king. Then I play alone, avoiding traps and ambushes. Beneath my feet. is welcome. Thank you. was about a year old. Our dear little Toodles had a paralytic stroke and passed away. We buried him back of the barn. Thank you. We'll be right back.